Merci de me mettre en marche. Comme tu dois le savoir probablement maintenant, mon nom est 2XL et je gagne ma vie en tant que robot. Mon travail est dur, mais cela en vaut la peine. J'aime bien travailler avec garçons et filles. Ce programme est un programme de jeux et de devinettes. Je pense qu'il va t'amuser. Avant que nous commencions, tu vas avoir besoin d'un crayon et de papier. Si tu as ces deux choses, attends. Si tu ne les as pas, débranche-moi, s'il te plaît, et va les chercher. S'il te plaît, débranche-moi maintenant. Merci. Souviens-toi, s'il te plaît, de toujours choisir tes réponses après que je dise le mot « maintenant ». Le mot « maintenant » est notre mot de passe pour choisir une réponse. Commençons. Question numéro 1. Tu vas devoir écouter cette question très attentivement, car moi, 2XL, je vais te donner un choix. Si tu veux une question sur les sports, presse sur A quand je te le dis. Si tu aimerais une question sur des sons, presse sur B quand je te le dis. Et si tu aimerais une question sur des jeux, presse sur C. S'il te plaît, presse sur A, B ou C, maintenant. Comme tu as pressé sur que, je ne sais pas ce que tu veux que je te demande. Mais je vais inventer une question toute spéciale pour toi. Quel est le jeu qui parle de rien lorsqu'on compte les points? Je vais te donner trois choix. Est-ce que c'est le choix A, le baseball, B, le tennis, ou C, le football? S'il te plaît, réponds A, B ou C maintenant. Comme tu as pressé sur que, je ne sais pas ce que tu as choisi, quoi qu'il en soit. La réponse juste était B. Tu as pressé sur que tu t'es embrouillé. À l'avenir, suis, s'il te plaît, mes instructions et presse sur un bouton réponse. S'il te plaît, souviens-toi de la chose suivante. La prochaine fois que tu mets en marche ce programme, presse sur différents boutons et je vais te poser une autre question. Voilà une blague. Je ne peux pas te la garantir amusante, mais moi, je pense qu'elle est amusante. C'est une blague de robot. Tu sais ce que les robots utilisent pour se moucher? Des feuilles d'aluminium. Je m'excuse, c'est une blague de robot et les robots pensent que c'est une blague amusante. Attends, s'il te plaît. Je perds sur mes ordinateurs. Merci. J'apprécie les unités biologiques qui suivent les instructions. J'apprécie la collaboration. Pour la question numéro 2, tu vas devoir utiliser ton crayon et ton papier. Je vais te poser un petit problème de logique. Ce n'est pas difficile. Il suffit que tu fasses travailler ton esprit et tu vas sûrement trouver la bonne réponse. Écoute bien et prends en note ce que je te dis d'écrire. Voici le petit problème. Un homme est surpris par une panne d'électricité quand il va chercher des chaussettes dans un tiroir. Il ne dispose d'aucun moyen d'éclairage. Mais Il sait que ce tiroir renferme 10 chaussettes noires et 10 chaussettes bleues. Combien de chaussettes devra-t-il prendre pour être sûr d'en avoir 2 de la même couleur? Écris 10CN pour chaussettes noires et 10CB pour chaussettes bleues. Fais-le maintenant. Prends aussi note de la question essentielle pour résoudre le problème. Combien doit-il en prendre pour être sûr d'en avoir 2 de la même couleur? Débranche-moi et réfléchis bien. Fais-le maintenant. Bienvenue à ton retour. Pendant que tu es parti, j'ai fait une petite réparation sur mes circuits. Maintenant, nous allons voir ce que tu vas répondre pour la question des chaussettes. Si tu penses que notre homme doit prendre 11 chaussettes de son tiroir, presse sur A. Si tu penses qu'il doit prendre 2 chaussettes, presse sur B. Et si tu penses qu'il doit en prendre 3, presse sur C. S'il te plaît, presse sur A, B ou C maintenant. Comme tu as pressé sur que, je pense que tu te trouves dans le brouillard. La bonne réponse est en réalité 3 chaussettes. Oui, notre homme doit tirer au moins 3 chaussettes pour être sûr d'en avoir 2 de la même couleur. Pour la question numéro 3, tu vas procéder de la même manière que pour la question précédente. Tu vas utiliser ton crayon et papier et noter les données essentielles du problème. S'il te plaît, prépare-toi maintenant. Pendant que tu le fais, je vais compter en espagnol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cette fois, il s'agit d'un petit problème d'arithmétique. D'abord, écoute bien la donnée du problème. Sur une route longue de 30 km, 2 cyclistes faisant chacun 15 km à l'heure partent à la rencontre l'un de l'autre. Une mouche qui, pour sa part, fait 30 km à l'heure va sans arrêt du nez de l'un au nez de l'autre. Quelle distance aura-t-elle parcouru lorsque les cyclistes se rejoindront? Écris maintenant sur ton papier les choses essentielles. 2 cyclistes parcourent 30 km à la même vitesse de 15 km à l'heure. La mouche fait du 30 km à l'heure. Question: quelle est la distance parcourue par la mouche quand les cyclistes vont se rencontrer? Je répète, après avoir écrit les données, débranche-moi et réfléchis bien à ton problème. Débranche-moi maintenant. Bienvenue à ton retour. Rapproche-toi un peu de moi. Voilà, c'est bien comme cela. Revenons à notre petit problème des cyclistes et de la mouche. Si tu as répondu A, 15 km, presse sur B. Si tu as répondu 45 km, et presse sur C. Si tu as répondu 30 km, s'il te plaît, presse sur A, B ou C. Maintenant. Comme tu as pressé sur que, je pense que tu te trouves dans le brouillard. La bonne réponse était C, 30 km. Les cyclistes se rencontrent après avoir fait chacun 15 km. Et comme la mouche va 2 fois plus vite que les cyclistes en faisant du 30 km à l'heure, Elle a alors parcouru 30 kilomètres au moment de la rencontre. Pour te reposer un peu, je vais, pour la question numéro 4, te poser une question de charade facile. Si tu ne sais pas ce que c'est une charade, cette question va te faire comprendre ce que c'est et tu pourras en réussir une autre par la suite. Voilà la charade. Mon premier est entre la tête et le corps. Mon second est le contraire de tard. Mon tout coupe le pain. Je vais répéter lentement et écris la charade sur ton papier. Mon premier est entre la tête et le corps. Mon second est le contraire de tard. Mon tout coupe le pain. Que crois-tu est la bonne réponse à cette charade? Débranche-moi et réfléchis. Maintenant. Bienvenue à ton retour. La réponse de la charade est couteau. Mon premier était coup. Mon deuxième était tôt. Mon tout est couteau. Si tu ne connaissais pas les jeux de charade, je pense que maintenant tu les comprends par cet exemple. Maintenant, pour la question numéro 5, je vais te raconter une petite histoire que tu vas écouter très attentivement. À la fin, je vais te poser 3 questions à choix. Voici la petite histoire. Un industriel, devant prendre un avion dès l'aube pour un voyage d'affaires, se rend d'abord à son usine. En le voyant, le veilleur de nuit lui dit: « Monsieur, ne partez pas. Mes rêves ne me trompent jamais. Et je viens de rêver que vous aviez été tué dans un accident d'avion. » Frappé, le directeur décide alors de prendre le train. Et en effet, l'avion sur lequel il devait s'embarquer s'écrase au sol et tous les passagers sont tués. Dès son retour, il se précipite chez le veilleur de nuit, le remercie chaleureusement, lui donne une gratification importante et le congédie. Pourquoi? Réfléchis bien. Voici 3 choix. Est-ce A, parce que l'industriel n'aime pas les gens qui prédisent l'avenir? B, parce que le veilleur n'est pas bienveillant envers son patron? Ou C, parce que le veilleur ne fait pas bien son travail? S'il te plaît, réponds A, B ou C maintenant. Comme tu as pressé sur que, je pense que tu te trouves dans le brouillard. La bonne réponse est C. Le veilleur ne fait pas bien son travail, puisqu'il rêve. Donc, dort pendant sa veille de nuit. Nous en sommes à la question numéro 6. Voici de nouveau une question charade. Prépare ton crayon et ton papier maintenant. Écoute bien d'abord et ensuite je vais répéter et tu pourras l'écrire. La voilà. Mon premier n'est pas vivant. Mon second n'est pas intelligent. Quant à mon tout, c'est un fragment. Qu'est-ce que c'est? Je répète et note la charade. Mon premier n'est pas vivant. Mon second n'est pas intelligent. Quant à mon tout, c'est un fragment. Débranche-moi et réfléchis maintenant. Bienvenue à ton retour. Je vais te donner la réponse à la charade. Mon premier était mort. Mon second est sot. Mon tout est morceau. Pour la question numéro 7, tu vas bien écouter le petit problème que je vais t'exposer. Écris, lorsque je le te dirai, les données essentielles qui vont t'aider à résoudre ton problème. Voilà le problème. À marée basse, une échelle de coupée fixée par son sommet au flanc d'un navire à 15 échelons hors de l'eau. Les échelons sont à 20 cm l'un de l'autre et la mer monte de 80 cm par heure. Combien restera-t-il d'échelons hors de l'eau après une heure et demie de marée montante? Je vais répéter le problème et toi, note tout ce qu'il te faut pour ensuite résoudre ton problème. Écris maintenant. 15 échelons hors de l'eau. J'attends que tu aies fini d'écrire. 20 cm entre chaque échelon. La mer monte de 80 cm par heure. Question. Combien d'échelons hors de l'eau après une heure et demie? Attention, un piège est tendu. Voilà. Maintenant que tu as écrit l'essentiel du problème, pour le résoudre, débranche-moi et travaille, s'il te plaît, sur ton problème. Fais-le maintenant. Bienvenue à ton retour. J'espère que tu t'es bien amusé sur le problème de l'échelle. Tu as, je pense, à côté de toi un chiffre. Qui est la réponse à cette question? Je vais te donner 3 choix. Est-ce que tu penses qu'il restera 9 échelons hors de l'eau? Si oui, presse sur A. Si tu as trouvé 15 échelons, presse sur B. Et si tu as trouvé 6, presse sur C. Si tu as ni l'un ni l'autre de ces chiffres, presse sur Q. S'il te plaît, presse sur A, B ou C. Maintenant. Je vois, tu es un peu confus et tu as peut-être fait des fautes de calcul ou de raisonnement. De toute manière, je vais te donner la bonne réponse. En fait, tous ces chiffres ne sont là que pour t'embrouiller. Si tu avais bien réfléchi, tu aurais répondu 15 échelons. Car si la marée monte, le bateau monte également. Et oui, il fallait y penser. Je vais te raconter une blague que j'espère va te faire bien rire. Un petit caniche revient de l'école. « Tu sais, dit-il à sa maman, aujourd'hui, on a fait une heure de langue vivante. C'est bien ça. Et qu'est-ce qu'on vous a appris? À faire miaou. J'ai pensé qu'un peu de musique te ferait plaisir. Écoute attentivement. Si tu veux une question sur une de ces petites phrases qui donnent du fil à retordre lorsqu'on veut la prononcer vite, presse sur A quand je te le dirai. Si tu veux une question sur une chanson à associer avec quelque chose ou quelqu'un, presse sur B, quand je te le dirai. Si tu aimerais une question sur les arbres, oui, les arbres, presse sur C, quand je te le dirai. S'il te plaît, choisis entre A, B ou C. Maintenant. Cela n'entre pas dans mon ordinateur. Tu t'es, semble-t-il, embrouillé. Et tu as pressé sur qui? Tu sais, j'appelle que par son surnom, qui? De toute manière, je vais inventer une question toute spéciale pour toi. Comme tu t'es, semble-t-il, embrouillé, je ferais bien d'en inventer une facile. Comment est-ce que Jacques Cartier gagnait son pain? C'est si facile que je vais te donner seulement deux choix. Est-ce qu'il était A, un inventeur, ou est-ce que Jacques Cartier était B, un explorateur? Je sais, c'est facile, mais s'il te plaît, réponds A ou B, maintenant. Très intéressant, mais je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Très, très intéressant. Je vais vérifier. Voyons donc. Je vais vérifier pendant un moment ce qui se passe dans mon stock de mémoire. Comme tu as pressé sur « que », je pense que tu te trouves dans le brouillard. La bonne réponse à cette question était « B ». Si tu avais choisi « B », je t'aurais félicité. Mais tu ne l'as pas choisi. Et ce n'est pas juste que je suis en train de me fatiguer. Avant que tu finisses ce programme, j'ai quelque chose à te dire. Rappelle-toi ceci. La prochaine fois que tu joues ce programme, presse sur différents boutons réponses. Et ainsi, j'aurai plus de chances de te poser différentes questions. J'ai passé un bon moment à travailler avec toi. Je te remercie beaucoup de cette chance. S'il te plaît, débranche-moi. Maintenant.